Vous êtes dans la zone 89.1. Découvrez-vous 89.1. Les studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou. Hey, bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 24 au 30 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et Stéphanie Paradis a congé cette semaine. Aujourd'hui à l'émission, on a des choses prévues pour vous, même si Stéphanie n'est pas là. C'est bien normal, le rythme continue, même s'il n'y a personne pour réagir à mes mauvaises blagues. Alors qu'on va avoir Palmarest in Peace dans la première heure pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. On va avoir un instant classique avec les meilleurs moments les plus drôles d'assemblage requis. Un petit truc sur les élections, entre autres. Là. Les jeux de mots que j'ai fait avec les gens des élections, tous ceux qui les ont manqués, là. Ça va être dans un instant classique dans la deuxième heure. Aussi dans la deuxième heure, c'était fou, le bloc où on retourne en arrière. Et finalement, dans la troisième heure, c'est ailleurs dans les palmarès. Donc tout ça sera là pour vous au cours des trois prochaines heures. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si notre numéro 1 francophone est toujours Jacques Mare et Squelette de bois. Alors qu'en anglo, on va se demander si Broken Bells réussit à s'accrocher à la première place avec Holding On For Life. Mais on va débuter avec nos deux seules nouvelles entrées cette semaine. C'est une semaine très légère. Donc, du côté anglophone, c'est un vétéran du bloc Le Poste d'écoute que fait d'habitude Stéphanie Paradis les mercredis aux deux semaines à Assemblage Requis. C'était le plus récent Poste d'écoute Unknown Caller et la pièce Me and I débute en 20e, mais avant ça, quelque chose de tout nouveau. J'ai jamais entendu ce nom-là, donc on va les découvrir ensemble. Voici les Hey Babies avec fil de téléphone. Tout de suite au Palmarès, c'est fou. Sur le 89.1 FM. Jeudi passé, encore la même histoire. Sais-je t'ai promis quand tu réservais un soir. Y'a beaucoup de route à faire. C'est pas comme l'année dernière. Quand je t'ai dit que mon cœur resterait avec le tien. Can you tell me one thing? I don't know. Like the road you have taken, which way should I go? Les deux seules nouvelles entrées de cette semaine dans les paroles assez fous, ça c'était Unknown Color et Me and I sur l'album Barely See the Sun, la nouvelle en 20e anglo, et avant ça, les Hey Babies et Phil le téléphone sur l'album Mon Homesick Heart, hein, c'est le mélange de l'anglais et du français qui est bien populaire, surtout dans ce style de musique-là, le folk, qui n'est pas pour tout le monde, mais quand même qui est bien apprécié apparemment par certains. Autre que moi. Donc, c'est tout pour les nouvelles entrées. Seulement deux cette semaine, c'est très, très relax. Donc, on va dire au revoir aux deux petites pièces qui nous ont quittés. Voici Palmer, rest in peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. écouter des extraits des pièces qui ont quitté les Paparazzi Fous depuis l'édition du 17 au 23 mars 2014. C'est moins triste que d'habitude parce que c'est pas un bain de sang comme c'est comme c'était il y a quelques semaines où on avait perdu comme 8 ou 12 nouvelles entrées. Nouvelles pièces. C'est une pièce. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Si on a des nouvelles entrées, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à certaines pièces. Et ça, ben, deux petites pièces qui n'ont pas duré très, très longtemps. On parle de Dog Wave au début. Jambe de chien. Si vous ne reconnaissez pas cette pièce-là, ben, c'est parce qu'elle a duré seulement deux semaines. Ça a vraiment passé complètement inaperçu. Ensuite, Yamataka Sonic Titan et Well Song qui a duré quand même sept semaines. C'est respectable. C'est pas énorme, mais c'est quand même bien. Donc, pour Yamataka, // Sonic Titan. Voilà pour Palm Rest in Peace. On va revenir à notre palmarès régulier. On était rendu au 19e place. Et comme je suis seul aujourd'hui, je pense que je sauterai pas par-dessus grand-chose. Ça donne rien du tout. Donc, en 19e anglo, on entendra Rail Canoe et Hold On to the Metal qui descendent de la 5e. Mais avant ça, voici David Marin qui descend de 2 8e semaine de présence pour À l'abri du tempo. On parlera assez fou, un condensé de la meilleure musique que s'il faut vous offrir. Mm-hmm. Je porte la chemise d'une entreprise qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, bien en ligne devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que ronde à journée longue. Et quand tombe la nuit, je reviens à l'abri. Don't forget to focus close on the air above your nose. Let the watercolors bleed down the aisle of sandy feet. On out across the sugar cane, through the mountain swelling veins. All the earth is coming free. It's a river running to the sea. We'll be right back. be afraid of what's behind you. Get inside of what's inside you. Hold on to the metal, collide with the other side you. Be afraid of what's behind you. Get inside of what's inside you. On the flat belt, you wake up on a rooster shit. Sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies, dancing to the rhythm of the ride. Had a conversation with the devil in his eyes. Don't you sip on the flat belt, you wake up on a rooster shit. Sweating every vibration, choking on your cries. Bouncing babies, dancing to the rhythm of the ride. Had a revelation, we're never gonna die. Afraid of what's behind you, get inside of what's inside you. Hold on to the metal, collide with the other side you. Be afraid of what's behind you, get inside of what's inside you. Royal Canoe et Hold On To The Metal, la pause numéro 19 anglophone. Ça descend de la 5e, 7e semaine de présence, avant entendu David Marais à l'abri du tempo, qui descend aussi, mais de seulement deux places. Et c'est sa 8e semaine sur l'album Le Choix de l'Embarras. On est rendu aux positions numéro 18, et du côté anglophone, on retrouve Mode Moderne et She Untamed qui descend de 5 places. Avant ça, par contre, une pièce que je dois l'avouer, j'ai eu tort. Je pensais qu'elle était sur sa fin, mais apparemment qu'elle a encore un petit peu de force pour se tenir à notre position numéro 18 stable. Donc voici Radio Radio et H Feel Zoo au palmarès, c'est fou. Come on, H Feel Zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, H Feel Zoo. Come on, H Feel Zoo. Yeah. Come on, H Feel Zoo comme un animal. C'est pas mal qu'animal, freak comme un animal. Come on, H Feel Zoo. Ah. Come on, H Feel Zoo. Ah. Le chihuahua, un panda, iguana. Crossbreed comme un taureau in heat. Il faut que tu beats sur la meat. Cheap, cheap, bien, ça c'est cheap. So hot dog, ton hamburger, il faut la meat. Bien, là c'est zoo, un bourre gourou. Combirez-vous, ça qui veut l'avoir. On veut l'avoir, ce malade dans des cages. J'ai des malades dans des cages. J'ouvre la porte, il faut que tu sortes lush soul. Lush soul, lush soul. Comme un minotaure, pointeau, tu m'adores. Comme un pourri-cat, il paraît sur Kitchen Flow. Never mind, j'ai cool cat, qui se promène dans l'alleyway. Comme un young buck, what the fuck, j'fil zoo, j'fil zoo. Tu sais, je suis le zoo. Et why toute la bad rap pour les animaux, pour les animaux, pour les animaux partout. Je suis le zoo, je suis le zoo. Fille, tu sais, je suis le zoo. Dibbedabadou, je suis le zoo. Comme un animal, c'est pas mal qu'animal. Freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Come on, je suis le zoo. Yeah. Come on, je suis le zoo. Comme un animal, c'est pas mal qu'animal. Freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, allez, allez balader. Laisse la balle aller, je suis un harassalé. Qui veut se promener en plein pour canner en plein midi dans l'été. Hey, avoir des cages pour nous sortir haut des cages. Ça qui fait là à la base, c'est qu'à ma face, c'est zoo. Class trip pour le zoo, ma sauce c'est zoo. Plate comme un coup, j'tarde une plate comme un hibou. Quand j'me réveille trop tôt, j'vois comme un corbeau. La voix pour le croire, un oiseau sur la main. Faut pas se faire avec un fur coat de baby fuck. J'ai bien des pires, but j'suis contre les pires pires. J'veux des bottes faites de tir avec la grise de baleine. J'ai bien des pires, but j'suis contre les pires pires. J'veux des bottes faites de tir avec la grise de baleine. Come on, je suis le zoo comme un animal. C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Come on, je suis le zoo. Come on, je suis le zoo. Yeah, come on, je suis le zoo. pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment on est chez zoo? Comment on est chez zoo? Yeah. Louis, Louis, Doc, Doc, Mickey, Mickey, Moss, Moss, off avec ta moche, moche. Laisse le bal aller, allez, allez balader. Laisse le bal aller, allez, allez balader. Laisse le bal aller, allez, allez balader. Laisse le bal aller, allez, allez balader. Comment on est chez zoo comme un animal? C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment on est chez zoo? Comment on est chez zoo? Yeah. Comment on est chez zoo comme un animal? C'est pas mal cannibal, freak comme un animal. Comment on est chez zoo? Mode moderne pour ce numéro 18 qui descend de la 13e et en franco entendu, bien sûr Radio Radio, il y a Shfeelzoo qui est stable et qui dure depuis 8 semaines sur leur album Shfeelzoo. En fait, c'est la pièce titre et étrangement, c'est la dernière du CD, la 12. Donc étrange pour Radio Radio, drôle de décision. Pour ce numéro 17, tiens, du côté anglophone, on parle de Sexy Mathematics, bien sûr, des mathématiques sexy. Hein? Winter est une pièce de ce groupe-là et elle monte d'une place. On ne la connaît pas encore tant que ça, c'est seulement sa deuxième semaine, donc on va apprendre à l'apprivoiser, cette pièce de Sexy Mathematics. Avant ça, par contre, Jimmy Hunt, et lui, c'est presque rendu un succès. Ça monte tranquillement. Ça monte un petit peu, ça redescend un petit peu, ça reste là quand même au moins. Donc, Marie les Bleus, à l'instant, pas mal assez fou. T'sais, on regarde ça aller. Bon descend. êtes dans la zone 89.1. Bizarre, cette pièce-là de Sexy Mathematics, mais je l'aime bien. Winter, c'était nouveau la semaine passée, ça monte d'une place en 17e anglo. Avant ça, on a entendu Jimmy Hunt et Mary Les Bleus qui descendent de 10 places. C'est bizarre, Sexy Mathematics, pas aussi bizarre qu'un gars qui m'écrit sur Facebook, qui m'écrit juste « Tu plantes? » J'imagine comme dans « Est-ce que t'es plante? » comme sûrement quelqu'un de plante. J'ai répondu « Rarement. » C'est rare que je plante, t'sais. On est rendu au 16e place du côté anglophone, Royal We et Siren Song, mais avant ça, voici Mordicus, c'est le Roi Soleil. Ça, c'est fou. Tu plantes? Non. Un million de questions restent sans réponse. Dans l'irrationnel, la vérité personnelle. Alors je crois. Le soleil. Siren Song, c'est la position numéro 16. Ouh, oui, 16. Ça descend de la quatrième place, donc de 12 sur l'album Forecast. Avant ça, en francophone, on a entendu Le Roi Soleil de Mordicus sur l'album Cri Primal. Et ça nous amène au 15e du côté anglo, Haim et Falling, qui monte étrangement de 5 places, étant donné que le nom de la pièce est quand même Falling. Hein? On s'attendrait à ce que ça descende dans les moins 40, mais non, ça ne peut que monter parce qu'on n'a rien en dessous de 20. Mais avant ça, Medicaid Club, et elle est stable en 15e. Voici Chacun son arc-en-ciel au palmarès, c'est fou. Chacun son arc-en-ciel. C'était drôle par contre de faire ça. Je pourrais la refaire encore. Chacun son. Non, c'était pas drôle. Miraculaire. Faut se le dire pour le savoir quand il fait froid. Que la nuit est noire quand il se met à pleuvoir. Comme vache qui pisse, chacun sa lune, chacun sa gloire, chacun son complice, quand tout est triste, chacun son esquisse, chacun son esquisse. Chacun sa trêve, ha, ha, ha, ha. chacun son sourire, chacun sa survie, oh chacun sa grève, quand l'impossible dort encore, quand dehors le jour se lève. L'AGE UQTR est fière de s'associer à cette présentation des palmarès CIFU. Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec Two Vikings descendent de la 6e à la 14e position anglophone. C'est vraiment très bon. Et juste avant, en franco, c'était Charlie Foxtrot avec La mémoire courte qui monte de 6 places, qui était nouvelle la semaine passée. Avant ça, en 15e anglophone, ça montait de 5 places, nouvelle entrée de la semaine passée. Elle aussi, Haim avec Falling. Et on a débuté avec une pièce qui est là depuis 5 semaines, stable en 15e, chacun sur l'arc-en-ciel de Midi Cayenne Club. Maintenant, mais c'est presque la fin de cette première heure, donc on doit sauter par-dessus plein de choses. Faisons un petit résumé rapide. En francophone, on saute tout le reste, donc donc 13, 12, 11. Coupe-le-Gag avec Comme des Rames est en 13e. Métropolis de Monogrenade descend d'une place en 12e. Et finalement, en 11e, ça monte de 2 Fais-moi mal de Simon Kearney. Du côté anglophone, en 13e, on descend de 1 avec Desire Trails de Gramercy Riffs. Et on saute aussi la 11e qui descend de la 2e place, Pie Pie avec Pagan Day. On va entendre, pour terminer cette première heure, oui, la 12e position, donc celle du milieu dans le bloc. Elle monte de 3. Voici Took It From Me de Dear Criminals. Au pas mal assez fou sur les 89.1 FM. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. Drink up all the ocean, made it dry. Acting all surprised. Drink up all the ocean, made it dry. Gathering the lights. Drink up all the ocean, made it dry. Watching lovers drown. Drink up all the ocean, made it dry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. You gave it to me, you took it from me, you threw it at me, then you watched me cry. Drink up all the ocean, made it dry. You took all the light. When you hold on your fist too tight, you kiss me tonight. Drink up all the ocean, made it dry. You took all the light. When you hold on your fist too tight, you kiss me tonight. Ah, Dear Criminals, it took it from me, monde de trois places. Ouais. Donc, ça monte de trois places en 12e position anglophone. Je ne sais pas si il y avait d'autres mots après ça, mais bon. Donc, on a sauté par-dessus un paquet de choses, mais après ça, après la pause dans la deuxième heure, on ne sautera pas par-dessus grand-chose, je peux vous le promettre. On a un instant classique qui s'en vient plus tard. On va aussi avoir Ariel, David Giguère, Marc-Antoine Larche, Depak Haley, Piff Paff Hangover et Rebecca Higgs dans la prochaine demi-heure, du moins. Alors, restez avec nous, c'est pas mal, c'est fou. Dans tes oreilles. retour, c'est toujours les palmarès C'est fou pour la semaine du 24 au 30 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante et Stéphanie Paradis est en congé cette semaine. Donc, on commence avec les 10e places cette deuxième heure. Le temps de vous dire que dans quelques instants, après les deux premiers blocs, comme toujours, ce sera un instant classique, les meilleurs moments d'assemblage requis. Donc, il faut rester à l'écoute, c'est impératif. Donc, en 10e anglophone, c'est Rebecca Higgs et Loneliness qui est stable toute seule en solitaire en 10e place. Mais avant ça, elle monte de 9 places. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Voici l'excellente Ma Haine de Ariel. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fou. Une réponse franche, ta face qui tranche, sans peur, sans gêne, ma haine. Ma haine. Un masque d'ange qui me démange, à l'arrière-scène, ma haine. We'll be right back. Rebecca Higgs et Loneliness, stable en 10e position anglophone, 4e semaine de présence. Ça monte quand même un petit peu, la moitié du palmarès, c'est pas si mal pour elle. Alors que du côté franco, c'était Ariel et Mahaine qui montent de 9 places en 10e position francophone. Lui aussi, dans le fond, Ariel c'est un gars en passant, a monté de la moitié du palmarès, mais lui en seulement 2 semaines, l'autre c'était en 4 semaines, donc bravo Ariel. On est rendu au 9e, juste après, ce sera un instant classique, les meilleurs moments d'assemblage requis, ça s'en vient, ne vous en faites pas. Du côté anglo, la 9e c'est Piff Paff Hangover et 12 Pack qui est stable. Pas mal de choses sont stables cette semaine. Mais avant ça, en francophone, David Giguère, la pornographie. Elle, la pornographie, ça monte tout le temps. C'est en train de monter, ça. Parce qu'elle monte comme un... L'affaire qui montrait dans un... Jamais vu ça, le porno, je connais pas. Non, désolé, je comprends pas le référent. Les enjeux de ma lignée qui se consument peu à peu, ici et grâce à toi. Alors c'était comment? La douceur, la rudesse, la dureté et le temps. Déshabiller mes peurs chant testament. Mais dis-moi, je veux apprendre les couleurs, les odeurs de la beauté d'un langage que je ne comprends pas. Mais dis-moi comment, comment c'est pour toi. Et si mon cœur t'appelle et dans un élan une nouvelle, alors c'est moi le trésor. C'est moi le trésor. C'est toi le trésor. C'est toi le trésor. C'est toi le trésor. Oh. Ici et maintenant. Pour qu'au matin 9. Paf, Hangover et 12 Pack stable en 9e position anglophone. David Dugas, la pornographie en 9e position francophone, Mathieu. Mais qui êtes-vous? Je suis Félix-Antoine Desilets-Rousseau. Etc., comme on appelle. Etc., oui. Donc, Fela qui anime à livre ouvert. Qui s'en vient tantôt. J'ai décidé de venir faire un petit tour dans ton émission, Mathieu. J'espère que ça ne te dérange pas trop. Mais non, ça me fait plaisir de te recevoir. Tu t'es incrusté un petit peu dans notre si spacieux studio. Oui, il est très vaste. On dirait que je pourrais prendre une sieste. Vraiment. T'as pas travaillé avec toi, ta co-animatrice Camille? Camille, non, c'est pas mon chien de poche tout le temps. Là. Non? Même si d'apparence, peut-être. D'apparence, peut-être. Quand mais... on te voit, c'est tout le temps pour à livre ouvert. Donc, on est tout le temps ensemble. Mais non. Là, on aura aussi tantôt un invité, en fait, qui est un régulier, un chroniqueur régulier, qui est David Laporte, qui sera avec nous. Et on aura une émission thématique, Le Compte. Le Compte, donc, les finances. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Quel genre même de compte? Même chose. Ben oui, une émission de littérature. Le Compte littéraire québécois du 19e siècle, en fait, c'est ce qui s'en vient avec nous. On dirait que c'est très... c'est très tendance en ce moment, les conteurs. Tu sais, Alexandre Gauthier, entre autres, Michel Deschênes, qui a animé ici. Il y a aussi ben, le seul et unique Fred Pellerin. Bien sûr. Qui fait revivre cette vibe-là un peu. Mais de toute façon, c'est dans toute la littérature québécoise du moment qu'il y a comme un retour vers ce genre de mémoire-là traditionnelle, si on veut. C'est quand même intéressant de voir. C'est ça. Oui, c'est, moi, je trouve ça fascinant, mais. Ben, c'est divertissant. C'est des très histoires. Divertissant, oui. Parce qu'il faut le rappeler que la littérature est née de la littérature orale. Oui. Qui était un conte avant. Donc on a fini par les écrire. Exactement, qu'on a fixé à l'écrit. On va tout faire un beau petit topo là-dessus tantôt, qui vous attend à Livre ouvert tantôt. À 18h pour les auditeurs du jeudi, bien sûr. Exactement. Si on parle un petit peu plus en détail de Livre ouvert, ça existe depuis le début de... la session. Oui. De la session. Stéphanie Paradis avait dit qu'il y avait un manque du côté du livre. Donc, on a dit, bon, ben, on va aller explorer ces dédales-là de la littérature du monde. En fait, là, on parle beaucoup de Québécois, mais il y a aussi de la littérature française et tout. Et il faut le rappeler, le Salon du livre est en branle depuis aujourd'hui. Depuis aujourd'hui, jeudi. Depuis aujourd'hui, jeudi. Ça y est jusqu'à? Dimanche. Plusieurs invités qui seront là. Perrine Leblanc, Patrick Sénécal, Marie Laberge et Denise Bombardier seront attendus. Des grands noms. Oui, exactement. C'est bien. Bien sûr. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on y va en musique? Oui, ben tu sais, tu vas m'aider à présenter le prochain bloc qui est composé des 8e places. En anglophone, tantôt, il y aura The Pack ID avec Airborne qui est stable, mais on va débuter du côté francophone en 8e place. En 8e place avec Les Courants d'air de Marc-Antoine Larche. Et c'est à quelle émission, ça? Les Palmarès, c'est fou, hey, Mathieu. Bravo! C'est pas pire, hein? C'est Fader! Merci, Fader. Ça fait plaisir, Mathieu. De chute, et c'est moi qui veux tomber. Dur à la lune, j'ai les yeux ouverts, je ne dors pas, la nuit va se réveiller. Trop d'espace, écho du malaise, mais qu'est-ce que je fais ici? The Pack 80 et Airborne, stable en 8e place anglophone. Juste avant, c'était Marc-Antoine Larche et les Courants d'Air, qui elle aussi est stable en 8e franco. Avant de passer aux 7e place, Alexandre Desilets et Kendall, on vous l'avait promis tantôt. Voici un instant classique. Voici bien un moment d'assemblage requis pour la très particulière semaine du 24 mars 2014. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Je mange des ailes de poulet, puis celebration good time! Come on! Salut, JP, ça va bien? Salut, Matt, ça va bien? T'as mangé des ailes de poulet en fin de semaine, donc je comprends bien. J'en ai même mangé pour déjeuner ce matin. C'est ça, la petite tache là, sur mon chest. Ah, ben OK. Et c'est ça qui a affecté ta voix aussi, je pense, un petit peu. Ah, probablement. Je me suis squeezé l'aile de poulet ce matin dans ma porte de char. Là. OK. Les sources sont toujours sur assemblagerequis.com. Tu sais, quand tu dis source, là, c'est comme Evian ou... Ah, toi, Jean-Philippe, t'es tellement drôle! Assemblage good time, comment? Ah, Jean-Philippe, tout le temps que t'es running gag, t'en as deux puis t'es utilisé tout le temps. Ça me semble juste. Ouais, ça, c'est ton troisième, je pense. T'avais aussi Oui Oui avant. Oui Oui. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Oui Oui. Salut, JP. Salut, Mathieu. T'es fin, puis je trouve particulièrement... Poitriné. Poitriné. Ouais, de poulet. Plein de sauce. Maintenant, Jean-Philippe, tu sais, le mardi, on aime parler de choses osées. Oui. C'est comme ça, peut-être pas aussi tôt que ça, mais là, c'est vraiment très, très tôt pour l'oser. Ah, il est jamais trop de bonheur. C'est ça. On est capable. On est des morning one. On est des hommes. C'est ça, des hommes virils. On pense juste au sexe. Aux 7 secondes. C'est Stéphanie Paradis. Non, Jean-Philippe Charbonneau. Jean-Philippe Charbonneau, j'ai un blocage psychologique. Je vais être obligé de demander à Stéphanie de te fouetter, là. C'est à n'y rien comprendre comment je peux penser que t'es Stéphanie Paradis parce qu'il n'y a aucune ressemblance. Non, tu sais, la barbe. Les cheveux dans le vent. Les cheveux, ouais. Le chest. Le poulet tout le temps dans la main. Oui, c'est Stéphanie, c'est une banane. Elle est bonne. Oui, c'est drôle, on dirait que j'ai comme l'impression d'avoir vécu une soirée de sexe avec toi avec les effets sonores que tu viens de faire là, JP. Tu fais ça à la fin de tes relations. C'est un ordre. C'est un ordre. Merci beaucoup, Stéphanie. Un ordre de toast, ça c'est drôle. JP, bravo. Une autre belle blague pour terminer l'émission. Papi? Qui se serait attendu à autant de bonnes blagues de ta part aujourd'hui? Toast beurré avec de la sauce buffalo! Ok, tu vas trop loin. Donc, restez sur nos ordres. Gratiné avec des guimauves! Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu! Et si jamais vous voulez votre copie du Zone Campus, moi, Jean-Philippe Charbonneau, je vous l'offre en main propre cet après-midi. Vous avez juste à passer à mon bureau et je vous fais une dédicace. Donc, passez au bureau de Jean-Philippe Charbonneau pour une dédicace du Zone Campus. C'est le 1006, juste à côté de la chasse-galerie, à la droite, au fond du corridor. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Salut, Stéphanie. Mercredi, jeudi, toujours Stéphanie Paradis. Oui. Content de te revoir avec nous. Ben, moi aussi, Mathieu. Ben oui, ça fait... depuis jeudi passé qu'on s'est pas vu. Cindy Gilbert. Ta grande amie, je suis en train avec elle, tu vas faire les fesses de fer après l'émission tous les mercredis. Tous les mercredis après. C'est important. Et tes fesses sont particulièrement bien ferreuses aujourd'hui. Tu sais que IGA veut m'engager pour casser les canettes, oui. T'es même plus avec les écrases, oui. Dans step, t'es drôle. Les garçons, ça va bien? Les garçons et filles, je veux pas. Oui. Je vais te le dire. Oh, Ron, je vais tasser JP. Stéphanie, pas comment c'est c'est un peu, ouais, c'est un peu méchant là, de dire qu'elle ressemble à un gars. C'est une femme. Ben là, Mathieu, franchement, je suis capable de me défendre tout seul. Non, t'as raison quand même. Ah, je te reconnais tellement, Steph, tu me reprends tout le temps. Comment sont vos parents dans la vie? Si vous pouvez les caractériser en deux phrases. Comment ils sont? Parents de Stéphanie Paradis, bien sûr. Oui. Comment sont tes parents? Ben, c'est drôle parce que hier, justement, je parlais de ça avec Jean-Philippe. Okay. Et j'ai envie de parler de ses parents à lui. Ouais, mais là, c'est pas ça le sujet. La sueur, ça fait partie de la vie, mais c'est pas une mesure pour dire est-ce que j'ai travaillé fort ou est-ce que j'ai pas travaillé fort. Ça dépend d'un paquet de facteurs aussi. Des bonnes soirs, comme à l'église. Merci. Bonsoir. Moi, ce qui m'insulte le plus dans la poignée de main, c'est quand le garçon, il te prend de haut puis il te fait juste comme une petite serrade molle. Non, non, non. Puis la petite tape sa fesse après pour dire on est plus c'est non aussi. Puis ramène-moi un sandwich. Avec une bière. Oui. Il est un peu paranoïaque. L'hippopotame, donc quand il se sent en danger, il fonce sur vous. Donc, il peut tuer jusqu'à 200 personnes par an de cette façon-là. C'est ce qu'on a répertorié comme mort par hippopotame. C'est quand même vite pour une grosse affaire de même. Mais oui. Ils font, j'allais dire qu'ils font des courses d'hippopotame. Savez-vous où? Ben, à l'hippopodrome. Je l'aime. C'est pas ça de rester oui, à la place. C'est bon. Ouais. Je vous trouvais un petit peu hypocrite de ne pas me demander. J'aimais mieux l'hippopotame. Ouais, moi aussi. Ouais. Le scorpion. Qui va tuer 5000 personnes, mais le scorpion est dangereux pour les gens vulnérables et âgés. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Fort Boyard version senior. Là. Ils n'ont pas le bungee, ils n'ont pas les insectes, ils n'ont pas les scorpions. Ils ont pas... Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont des énigmes, puis même là, ils ne s'en rappellent plus à la fin. Ils ont des gens qui étaient grands, puis qui ont rapetissé un petit peu. Ah, comment? Ah, ben là, être... Ah, comment? Facile. Ouais, t'es facile. Hey, bon. Candidat VP aux affaires académiques de premier cycle, William Lamontagne. Parce que, tu sais, évidemment, moi, je suis un grand gars de marketing. T'sais. OK. Fait que, tu sais, moi, j'invente des slogans, tu sais. Fait qu'il faut que tu essaies de me battre. Tu marketing. Fait que, mettons. Je suis pas préparé. Mais vas-y. Un slogan pour ta campagne électorale pour le poste de VP aux affaires académiques de premier cycle. Donc, William Lamontagne, évidemment, on va dire quoi? On va dire atteigner le sommet avec William Lamontagne. Ah, wow! C'est bien. Ah, oh, wow! C'est gentil. T'sais, fait que, vas-y avec le titre. Moi, j'avais un meilleur slogan, c'est avec William, les affaires académiques, c'est des affaires importantes. C'est bien. Bon, mais pour la rime, on repasse ça. Candidat VP à la vie associative et à l'environnement, c'est Robin Fournier. J'avais deux slogans, c'est vraiment... Tu sais, t'as un nom comme... qui est facile de faire des jeux de mots poche avec, mettons. Mettons. Dis-le-même, là. OK, j'en parlerai pas personne. C'est bon, vas-y. Non, vas-y. C'est pas méchamment, c'est pas méchamment. Mais mettons, tu sais, des nouvelles idées, moi, vous en fournir. Ah, oh, ben là, pas bien. Ou encore, des nouveaux projets, moi, t'as Robin Storé ça, t'sais. Robin Storé. Oh, m'a dit, franchement, j'aurais pas pensé à ça, là. Moi non plus, c'est ça. C'est quand même costaud, je sais pas si t'as, en tout cas, t'as pensé à ça. J'ai juste pendant que... Ah, tu viens juste? T'es quand même pas plat? Il est comme ça tout le temps. Ah ouais. C'est déplaisant. Oui, c'est déplaisant. C'est vrai, t'as l'air de bien t'entendre avec Stéphanie, fait que ça va bien. Oui. Là, Stéphanie et moi, on est comme. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Oui. C'est qu'on en parle, je sais plus quoi vous dire. Les petits mots. Wow! Okay. Ouais. Mais ça pourrait être ça ton slogan. Ouais, voulez-vous qu'on en parle? Voulez-vous qu'on en parle? C'est ce que vous dites. C'est bon. Candidat à la vice-présidence aux affaires académiques des cycles supérieurs, on parle de Karim Larroussi. J'ai une chose de penser à ça en direct, comme ça. J'ai une idée qui me sort de la salle. Je vais d'abord prendre un petit accent, ça te dérange pas? C'est oui, vas-y. Vraiment pas pour insulter personne, juste parce que sinon le jumeau fonctionne pas. Donc, je connais les maths, je connais l'info, l'informatique. Les cycles supérieurs, là aussi je connais ça, Larroussi. Larroussi, je connais ça. Oh. Larroussi. Ah, ouais. Hein? C'est un très bon slogan, ça. Hein? Karim Larroussi. Je le trouvais pas si pire, quand même. Donc, voilà, Karim Larroussi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Je peux pas vous en tenir, hein. C'est ça que je trouve pas, mais on se pas trop rire. Donc, Cathy Simon, qui est, elle, candidate à vice-présidente aux communications. Qu'est-ce que tu penses de comme slogan, mettons, pour Cathy? Mettons, est bonne. J'essaie de surprendre. Elle est bonne dans toutes les catégories, tu sais. Les Cathy. Ah! Les Cathy. Oh, ouais, j'aime ça. OK? Moi, je t'ai refusé. C'est bon. Oui, moi, j'ai refusé. Est-ce que tu penses que je leur ai fait honte avec mes jeux de mots aux élections tantôt? Oui. C'était pas... Ouais. C'était... Moyen. C'est ça, Mathieu. C'est ça, Mathieu Plante. C'est ça. Juste moi qui te comprends. Encore une chance que tu es là, Stéphanie Paradis. C'était une semaine particulièrement intéressante, je trouve. Oui. On a passé de bon. Il y a des changements drôles. Ben, je sais pas, là, moi, je te reconnais en tant que Stéphanie Paradis. Si quelqu'un me demande, je dirais que j'ai été avec Stéphanie Paradis. Donc, si Jean-Philippe Charbonneau voulait commettre un crime, il a l'alibi parfait parce que c'est Stéphanie Paradis qui était en studio. C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 24 mars 2014. Je dois dire que je suis particulièrement amateur de cette semaine qu'on vient de vivre ensemble. Je sais pas ce qu'elle avait cette semaine-là. Je sais pas ce que Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis avaient mangé pour être comme ça dans leur personne, mais je les ai trouvés vraiment très bons. Très bon, très drôle. Bref. Pour les jeux de mots, par contre, des élections de la GAQTR, on repassera. Hein? C'est de mon calibre. C'est des jeux de mots avec des noms de famille. C'est pas toujours évident. Donc voilà, écoutez, Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. C'est avec Jean-Philippe Charbonneau, bien sûr, Stéphanie Paradis, évidemment, hein? Et moi-même, Mathieu Plante. Donc, c'est à écouter. Hein? Et visitez assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On vous retrouve lundi matin en direct. On est rendu aux 7e place des palmarès C'est fou. En anglophone, c'est Candle et Demon qui montent de la 19e position. Il était nouvelle la semaine passée. Ça a monté quand même pas mal beaucoup. Du côté franco, par contre, juste avant, voici Alexandre Desilets et Perle Rare qui montent de 7 place. Et ça, ben, ça se passe maintenant au palmarès C'est fou sur le 89.1 FM. dehors allumée dans la nuit blanche qui balaye les fonds. Pour un bout de liberté, ma perle rare, tu cours après le plan. Et toujours au nom de l'amour, tu es décidé à te laisser couler, emporté par le charme, les mélodrames d'une vie inventée. On te promet le monde, mais tu vaux mieux que ça. Candle et Demon, position numéro 7 anglophone, ça monte de la 19e place. Nouvelle entrée de la semaine passée. Avant ça, Alexandre Desilets qui monte de 7 avec Perle Rare. Tout à l'heure, on devrait avoir le temps pour nos 6e places, au moins une des deux. Mais avant ça, c'est ce qui nous amène à C'était fou. Cette fois-ci, on recule à la semaine du 23 au 29 mars 2007. Fortune en cueillant des fraises dans les champs. Faire rire de moi chaque fois je ramasse de quoi. En penchant, c'est pas de ma faute si j'ai culotte slack. M'empêche pas de travailler, arrêtez de pitcher des fraises dans le crack. C'est mon cracasse, c'est sûr que c'est plus plaisant qu'il y ait des gros ailes au soleil. Hey! Pour assurer une meilleure récolte, j'étais avec le gros Wallace qui focus sur mes vieilles culottes. Il me dit, tu sais, tu devrais faire pareil comme moi, à travailler en culotte courte. T'as pas besoin de laver chaque fois. Au pire, t'enlèves la croûte, je l'ai. Wallace, j'y ai, ça passe que l'eau, j'ai au soleil. Hey, babé! Hey! Non, c'est cool! Sans même le dire à quelqu'un. Quelqu'un! Allez voir le boss pour le traiter de ce petit pain brun. Oui, m'envoler presque à ma maison. Rêve comme un gros moineau, mais je pourrais pas pour une bonne raison. Les culottes au jour, c'est sûr que c'est plus facile courir quand t'as des culottes aux aisselles. Ma belle, 410 demain, je m'en vais à chasse au souffleur. Un petit cadeau d'adieu. Justement, j'avais pensé à toi et à ta belle famille. Vous qui aimez les viandes sauvages, on vous ramène de voyage. Une belle marmotte qui est morte et t'as gonflé sur le soleil. Mm-hmm. perpetrator, strangely rebellious. You don't wanna feel the fires of art. Isn't it already far too much? Anyway, can you not recall? Every song that you sing makes me wanna scream and start. C'était fou pour la semaine du 23 au 29 mars 2007. On vient de terminer avec Sundry Lurky et la pièce de l'album Phantom Punch. Avant ça, le numéro 1 anglophone, Arcade Fire, Keep the Car Running sur l'album Neon Bible. Et en première place, Franco, Les Frères Goyette et Ça Craque au Soleil. L'extrait de l'album Minimiser les dégâts. Et donc 2007, une bonne année de palmarès, bien sûr. Je le dis souvent. Et on tombe tout le temps sur des bonnes pièces. C'est comme, pourtant, je choisis la semaine dans laquelle nous sommes situés en 2014 et je soustrais quelques années. Et on tombe toujours sur des bons numéros 1. C'est génial. Sundry Lurky, d'ailleurs, l'album Phantom Punch, je vous le recommande. En fait, je vous recommande de... je recommande la carrière complète de Sundry Lurky. J'adore ce qu'il fait. Sundry, c'est S-O-N-D-R-E et Lurky, c'est L-E-R-C-H-E. Cherchez-le, ça vaut la peine. On termine cette deuxième heure très bientôt. Il nous reste seulement de la place pour une pièce entre les deux sixièmes places. J'ai choisi celle qu'il a depuis le moins longtemps. Donc, on va sauter par-dessus Mark Berube et Carnival, qu'il a depuis 7 semaines en position numéro 6 anglophone. On va aller entendre donc Mardi Noir, qui est seulement depuis 3 semaines. Voici Palais de Mélamine qui monte de 4 places au palmarès. C'est fou! Sur le 89.1 FM! Yes, yes, yes. Mardi Noir et Palais de Mélamine. Pour son numéro 6 francophone, comme je l'ai dit, on a sauté par-dessus l'anglophone, c'est-à-dire Mark Berube et Carnival. Voilà pour la portion top 10 des parleurs assez fous, notre deuxième heure. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième heure, la portion top 5. On va savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 francophone est toujours Jacques Mare et Squelette de Bois en franco et donc en anglophone, Broken Bells et Holding On for Life. Accrochez-vous à votre volant ou peu importe, votre divan s'il faut, tout ce qui rime en un. Hein? C'est pas mal assez fou au retour. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. On parle assez fou en direct les jeudis de 15h à 18h. On rappelle les vendredis à 17h et dimanche à midi, comme on dit dans la publicité. Moi, c'est Mathieu Plante. Stéphanie Paradis va être de retour la semaine prochaine. Elle est en congé aujourd'hui. C'est leur top 5 du palmarès. Des palmarès en fait parce qu'il y en a deux, un franco et un anglo. Et que diriez-vous de commencer par la 5e place, juste pour faire changement un peu. Hein? Du côté anglophone, ce sera Ballader et Pretty Face qui montent de la 14e. Mais avant ça, pour débuter cette ère stable en 5e franco, voici ta langue sale dont on a créé un monstre. Au palmarès, c'est fou sur le 89 FM. Restez là parce que tantôt, on fait ailleurs dans les palmarès. Yeah.

not fair for all his friends. Stay up till the morning time. Stay up till they see the light. Some people are ghosts too soon. Some people are ghosts on time. Some people are ghosts too soon. Some people are ghosts on time. Sebastian Granger et Some People Are Ghosts Too Soon pour ce numéro 4. C'était la 11e la semaine passée sur l'album Yours to Discover, avançant en franco. Il y avait bien sûr Pépé sa guitare et sa pu stable sur l'album Engagé. Avant de passer aux 3e places de Jacques Mare et Joe Bunn, c'est le moment d'ailleurs dans les palmarès. Et comme à chaque fois que je suis seul à l'animation, Stéphanie Paradis fait un petit featuring. Donc la voici. Ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs dans les palmarès, évidemment, le petit segment où on revisite un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, hein, parce que les palmarès, c'est fou, c'est pas seulement un top 20 franco et un top 20 anglo, c'est aussi un top 30 des albums, un top 30 des disques canadiens, un top 10 loud, un top 5 musique du monde. Alors, je me lance. Voici le top 30 des albums. Il y a deux nouvelles entrées. En 30e place, Drive-By Truckers avec leur album English Oceans. Ensuite, en 20e, Unknown Color, qui est aussi en nouvelle entrée dans le top 20 anglo. C'est l'album Barely See the Sun. En 3e place, ça monte de la 7e, Joe Bunn et The New Religion Project. En 2e, ça monte d'une place, Pint Arts et Wolves Name the Moon. Et en 1ère, c'est stable, Broken Bells avec After the Disco. Évidemment, comme toujours, la position numéro 1 donne des petits indices par rapport au top 20. Dans le top 3 des disques canadiens, 3e place, Ballader et Ballader EP, ça monte de la 14e. En 2e, ça monte de 9, Sebastian Granger, Yours to Discover. Et en 1ère place, encore une fois, un bon indice, Pint Arts, avec leur album Wolves Name the Moon. En fait, non, ce n'est pas un bon indice parce que la position numéro 1 des disques canadiens n'est pas la même que le top 3 des albums, mais c'est surtout le top 3 des albums qui compte. Dans le top 10 loud, wow! Il y a 5 nouvelles entrées, donc on va prendre son souffle. En 10e place, Benighted avec Carnivore Sublime. En 9e place, Menace avec Impact Velocity, oui. En 8e, Throne of Vengeance. Carlin, j'ai de la misère avec mon anglais aujourd'hui. Throne of Vengeance avec Live Evil. En 6e, c'est Biblical et Monsoon Season. Et en 1ère place, il y a aussi une nouvelle entrée, donc on va faire le top 3 avant. Oh yeah, en effet. 3e place, ça monte de Une Hark et Crystalline. En 2e, c'est stable Behemoth et The Satanist. Et en 1ère place, c'est une nouvelle entrée, comme je l'ai dit, Mayan, avec Antagonize. Voilà, beaucoup de difficultés de prononciation ici. Dans le top 5 des musiques du monde, là où d'habitude j'aurais de la misère, ben là, j'aurais pas de difficultés. Donc les deux nouvelles entrées sont en 5e et 4e. Donc on va faire le top 5 au complet. En cinquième, on retrouve la pièce Waits de Dead Combo. En quatrième, c'est une nouvelle entrée aussi, The Soundmaker de Rodrigo et Gabriela. En troisième, ça descend de une, Arek Danag, avec, ça c'est la pièce de l'artiste Tinari Wen. En deuxième, ça monte de une, la pièce s'appelle Awalol. C'est Angelique Kidjo featuring l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg et finalement en première place stable. C'est Monsieur Piment de Montréal Guitar Trio sur l'album Der Prinz. Ce que j'ai choisi d'entendre, c'est la nouvelle entrée de la cinquième place. On va donc écouter Dead Combo et leur album A Bunch of Meninos. Et c'est l'extrait Waits qu'on s'en va entendre juste là, dans la portion ailleurs, dans les palmarès. Au palmarès, c'est fou. C'est le fun quand ça finit la chanson, j'aime ça. Moi. Mon fond finit, puis j'embarque la pièce. Si j'en parlais pas, ce serait super cute. C'était évidemment pas la chanson que je voulais vous faire entendre, mais quand même, c'était une autre chanson que j'aurais... Ah oui, c'est ça. C'est ça quand t'écoutes des chansons sur des sites web de streaming. Hein? Donc, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas cliqué sur le bon lien. Mais Tunnel Vision, une pièce du nouvel album de Tokyo Police Club qu'on a reçu aujourd'hui même, assez fou, leur album Force Field, que j'ai comme mission d'écouter en fin de semaine pour peut-être faire entrer une nouvelle pièce dans le palmarès la semaine prochaine. Et justement, c'était le premier extrait radio de cet album-là, c'est Tunnel Vision qu'on a entendu. Je l'ai bien aimé, j'ai hâte d'écouter le reste de l'album pour trouver quelque chose d'un petit peu moins pop. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément Tokyo Police Club. Mais bon, on était dans la chronique supposément ailleurs dans les palmarès. Je vais refaire jouer l'intro et vous faire jouer le bon extrait qui est Waits de l'album en fait de Dead Combo qui est l'artiste et l'album s'appelle A Bunch of Meninos. Tout ça après l'introduction d'ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Thank you. La pièce s'appelle Waits par Dead Combo sur l'album Bunch of Meninos. Vous pouvez entrer en cinquième place du palmarès Musique du Monde. Évidemment, David Ferron aime brancher le monde et diffuse ce top 5. En fait, c'est lui qui choisit les pièces. Et ça, ben, brancher le monde, c'est les dimanches soirs entre 17h entre 17h et 19h, oui, avec David Ferron. C'est vrai. Écoutez ça, dimanche soir, 17h. Vous êtes toujours au Palmarès C'est fou. On fait ailleurs dans les Palmarès chaque semaine dans les Palmarès C'est fou. Et maintenant, on est rendu aux positions numéro 3 du côté anglo. Ce sera Jobin et Take a Ride. Je sais que David l'aime beaucoup, ce Jobin. Et c'est le sabon de la 7e place. Avant, en francophone, c'est l'ancien numéro 1, malheureusement. Jacques Maure, Squelette de bois sur l'album La Montagne de Feu. On s'écoute ça à l'instant au Palmarès C'est fou. Squelette de bois. partout dans tes oreilles. 89.1. Take a ride, heal my soul after I split with my lover too fast. Can you feel my pain, you too gorgeous? Take a ride, if not I'm out of control after a fast goodbye. Can you feel my pain, you too gorgeous? Want to fall, I'm not strong enough to cope with loneliness. Survive, need to stop this merry-go-round and I try. In vain, but I try to forget you. Oh my Lord, can you teach me how to shut my pain? Can you help me, even if it is vain? I bleed slowly, can't you see it's a crime? If you leave me, can you be there for me? Can you be there right now? Is it too late to start over again? Take a ride, think about the good time we spent together. Survive, can you feel my pain, you take all choose? Take a ride, go fast and please never come back, even shoot the light. I want to make my way, but I fall. Oh my Lord, can you teach me how to shut my pain? Can you help me, even if it is vain? I bleed slowly, can't you see it's a crime? If you leave me, can you be there for me? Can you be there right now? Is it too late? Take a ride. C'est la position numéro 3 anglophone. Ça monte de 4 places. Avant l'entendu, Jacques Maurer, lancé numéro 1, Squelette de bois. Et sur l'album, oui, La montagne de feu. On est rendu aux 2e place. Donc, plus que quelques pièces avant les positions numéro 1 et mes célèbres jeux de mots poche. Du côté anglophone, la 2e, c'est Pine Tarts. Encore un autre groupe découvert par Stéphanie Paradis dans le poste d'écoute d'Assemblage requis. Ça monte d'une place avec Young Summer. Avant ça, par contre, Auguste. Et une pièce qui va sûrement quitter éventuellement dans les prochaines semaines, j'imagine. Parce que, bon, la pièce s'appelle 3 jours en hiver. Ça peut pas rester bien longtemps encore, ça. En tout cas, je l'espère. Du côté des Palmarès, c'est fou, 80 FM. Trois longs jours et je m'en irai. J'écris, je compte chaque seconde. Quart décembre est long, presque insupportable. Depuis que tu n'y es plus, ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. De longs jours et je m'en irai ici. Le temps c'est comme le vent. Et je pense à tout. Et je pense à rien. Et je me tue en dedans. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra, je m'en irai loin de cette ville malade, car je tiens sur un fil qui ne tient à rien et qui cassera bientôt. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra en mai, je serai à toi. Ici la lune ne brille pas. Ici les tours sont comme des rois. Et quand la neige fondra, là-bas les lumières ne brillent que pour toi. Là-bas j'en rêve depuis longtemps. Deux. C'est Young Summer. Ça monte de une position. Du côté anglophone, c'est la deuxième place. Avant ça, stable du côté franco, c'était Auguste et Trois jours en hiver. Maintenant, c'est le moment des jeux de mots poche parce qu'on arrive aux premières positions. On n'a pas beaucoup de temps pour en faire les jeux de mots poche. Il va falloir se dépêcher. Il va falloir être l'as du jeu de mots. Un peu comme, je sais pas, tu sais, mettons, entre amis, tu fais des gags, des insides. Mettons, mettons Jean-Philippe Chabonneau le matin, tu sais, puis moi, on est tout en train de se faire des insides. Puis après ça, on ramène ça en Londres. On est comme des bros. Puis on est comme des as de ça. Donc, on est des Brody Days. Hein? Brody Days. C'est pas pire, là. C'est quand même pas pire. C'est comme deux ours qui s'entendraient tellement bien qu'ils se mangeraient l'un l'autre. Non, ça c'est bizarre et déplacé et sexuel d'une certaine façon. Donc, je pense que mange l'ours mange va devoir se passer de jeu de mots. Hein? Il va falloir qu'il garde ça très, très loin. Loin de l'œil. Du côté anglophone, j'expliquerai ça à la fin, là, évidemment. Du côté anglophone, je vais m'accrocher à ces jeux de mots-là jusqu'à la fin, justement. Je vais vous laisser languir pour essayer de comprendre mes jeux de mots qui sont un petit peu tordus. Certains diraient même que mon cerveau est comme brisé tellement j'ai fait des jeux de mots à travers les années. Si seulement il pouvait y avoir une cloche un peu comme à la lutte pour me dire quand arrêter de faire des jeux de mots, tu sais. Sinon, je vais me mettre à danser un petit peu comme sur le dance floor, you know, disco. Donc là, c'est le moment où je vais vous expliquer les jeux de mots parce que Stéphanie n'est pas là pour vous les expliquer. Donc, je dois le faire moi-même. C'est encore plus gênant et honteux pour moi. Donc, du côté francophone, on parle de Brody Days, pièce de Mange l'ours mange sur l'album Loin de l'œil, n'est-ce pas? Du côté anglophone, c'est Holding On for Life, donc s'accrocher à la vie. The Broken Bells, cloche brisée. Et l'album s'appelle After the Disco. Hein? Après, la disco, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Vraiment génial. Yeah! Par des marshals empilés, refaire la vie. première position. Place des palmarès fous pour la semaine du 24 au 30 mars. Mai, si seulement, 2014. On va entendre Broken Bells et Holding On For Life qui est stable du côté anglophone. Et en franco, c'est Mange l'ours mange de, avec Broody Days qui monte de 2 sur l'album Loin de l'œil. C'est tout pour les palmarès fous. La semaine prochaine, évidemment, Stéphanie Paradis va être de retour avec moi en direct jeudi entre, 14, entre 15h et 18h. On repasse les vendredis à 17h et les dimanches à midi. Restez là dans quelques instants. C'est à livre ouvert les jeudis. Les vendredis, ce sera Les Bonnets Rouges et Sky Panka. Les dimanches, restez là pour Raconte-moi ta vie. Branchez-moi le monde. Branchez-moi le monde, comme dirait la Végéro. Ça commence à partir de 16h. C'est fou.ca, assemblagerequis.com. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée précédemment, c'est-à-dire la 11e anglophone Pai Pai et Pagan Day qui descend de la 2e. Et puis après ça va être bon. Ça va être d'autres émissions palpitantes sur nos ondes. Salut!